peur des inconnus, des étrangers qui veulent nous envahir. Je suis parano et j'ai peur que la France se transforme en Zaïre. Je mets mes craintes en pratique parce que je ne crois pas en l'avenir. J'ai peur des gens, c'est différent, des travaux comme un mandalire. Parce que j'ai peur d'en empathir, moi je vais voir ces gens partir. J'ai peur de prendre les transports car ils sont remplis de martyrs. Peur des émeutes et des manifs, des pitbulls et des caniches. Je suis parano alors je me promène toujours avec mon canif. J'ose à peine sortir de chez moi, peur des cailles et peur des keufs. Alors je reste enfermé par peur de me faire voler mon vélo neuf. C'est maladif, j'ai peur des meufs, elles ont tout tapiné. J'ai même peur des prises de sang, les aiguilles sont contaminées. Moi je ne sais pas qui ils sont, une chose est sûre, ils veulent ma tête. Ils pourraient être le boulanger, celui qui empoisonne ma baguette. Je ne laisse pas traîner mes filles, leur prof est un pervers. J'ai peur des gars dans mon quartier, des contacts sur internet. J'suis parano, narvalo, je fais confiance comme un gros. Mais jamais trop prudent, tu comprends, je parle pas trop. Je suis têtu, méfiant, et je ne pense qu'à ce magot. Faisant tout pour rester blanc, qui défendra ma peau. Et c'est comme ça depuis longtemps, ma parano est véritable. Et si j'ai peur de mes enfants, c'est parce qu'ils visent mon héritage. J'ai peur des mots et des images, des dérapages dans les virages. Je vois des maladies partout, j'ai peur de faire un dépistage. Y'a des gens lâches qui me dévisagent, inflammables et la matière. Je ne mange plus, la vache est folle, la fièvre afteuse, la grippe aviaire. Je me méfie des OGM dans mes barres céréalières. J'ai tout compris, ils veulent ma mort, même avec l'art et la manière. J'ai même peur de ma femme qui voudrait détourner ma maille. Et je me méfie du voisin qui voudrait détourner ma femme. Je me promène seul dans Paname, j'ai peur des noirs et des arabes. Ouais, j'ai peur de l'air virus, j'ai peur de l'eau comme de la flamme. J'ai peur des coups comme Whitney ou comme Tina Turner. Je vais plus au McDo parce que les serveurs crachent de mon burger. Je me méfie des gens heureux, y'a que de la haine dans leur cœur. Peur des critiques et des moqueries car j'ai pas le physique d'un surfeur. Je suis parano, narvalo, je fais confiance comme un gros. Mais jamais trop prudent, tu comprends, je parle pas trop. Je suis têtu, méfiant et je ne pense qu'à ce magot. Faisant tout pour rester blanc, qui défendra ma peau. Marco. Hermanos y hermanas de Asia, de África, Oceanía, Europa y América. Bienvenidos a las montañas del sudeste mexicano. Vous êtes bien sûr FPP Fréquence Paris Pluriel, c'est la jungle des luttes, le programme du CSPCL, Comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Donc on est ensemble en direct tous les troisièmes lundis du mois pendant une heure et demie, retransmis le jeudi matin à 8h. Et donc aujourd'hui on va essayer de parler de plusieurs choses. On est dans la première partie, on va surtout être avec Oran et Samy qui parleront en particulier de la grève de la faim menée par des prisonniers politiques kurdes depuis une grève de la faim qui a duré 2 mois. Donc on en parlera avec eux. On parlera peut-être d'autres choses, de la question de ce qu'on peut en penser, puisque de qu'est-ce qu'on peut penser de cette fin, de la grève, de la fin, de ce qu'il y a autour et de la stratégie de l'État de Turquie. On parlera ensuite du 33 rue des Vignoles, donc ce 33 rue des Vignoles qui est un local qui accueille notamment le Comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte tous les mercredis soirs à 20h30 pour son assemblée ouverte. Et c'est un lieu de combat et un territoire à défendre. Et il y avait justement précisément une journée hier organisée par le CSPCL au 33 rue des Vignoles en solidarité avec le 33 rue des Vignoles. Et donc on y a projeté des films, on y a mangé, on a discuté évidemment. Et donc on a essayé de faire vivre ce lieu et d'essayer justement de vous en parler. Pour dans le cadre d'une lutte sur la terre et territoire lancée par les apatistes il y a déjà quelques années et repris et même de toute façon déjà là bien avant cette campagne en particulier lancée il y a quelques années, la question de terre et territoire et donc notamment aussi la défense à Notre-Dame des Luttes et la lutte menée. Donc on n'est pas bien sûr de pouvoir vraiment faire ce qu'on avait prévu de faire, à savoir avoir en ligne des personnes qui étaient à Notre-Dame-des-Landes et qui sont à Notre-Dame-des-Landes pour nous parler de ce qui était en train de se passer et de ce qui allait venir. Donc on va attendre, on a encore une heure devant nous pour voir si on a la possibilité d'avoir quelqu'un en direct qui puisse nous parler de la situation. Donc on va faire une petite pause musicale avant d'entrer dans le vif du sujet, donc avec Orhan et Samy. À tout de suite. El huipil, rojo como en llamas, su paso seguro rompiendo el cerco, una dulce, triste mirada, tras el negro pasa montañas, sus palabras peligrosas, intransigentes, agudas, la bomba de la paciencia, de los de abajo, la fuerza. Ella es el símbolo, el mensaje, ella es el arma más beligerante, la ternura desbordante, ella es Ramona, comandante, emblema de la grandeza de los pueblos rebeldes mayas, de mis hermanos esperanza de las montañas, de Chiapas. Aprensión, el analfabetismo político y la fragilidad del sistema. De su voz surgen las demandas que por muchos siglos hemos luchado: libertad, tierra y trabajo. Justicia y paz. Ella es el símbolo, el mensaje. Ella es el arma más beligerante, la ternura desbordante. Ella es Ramona, comandante, emblema de la grandeza de los pueblos rebeldes mayas, de mis hermanos, esperanza de las montañas de Chiapas. Paris Pluriel, vous êtes donc dans le programme proposé par le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte, donc la jungle des luttes. Et aujourd'hui, on va donc essayer de parler d'un certain de plusieurs luttes, et l'une des luttes, c'est, hein, on va en parler avec Oran qui va se présenter, c'est notamment la grève de la faim menée pendant 2 mois par des prisonniers kurdes. Je te laisse la parole, Oran, et merci d'être là avec nous. Merci à vous de nous donner la parole. Bon, je ne vais pas me présenter longuement. Je suis un réfugié politique depuis 10 ans en France. Bon, j'ai été persécuté à cause de mes activités révolutionnaires en Turquie et surtout pour des activités de solidarité avec les Kurdes, qui est un des plus grands crimes actuellement et depuis toujours en Turquie. Donc, s'il faut parler des grèves de la faim, bon, ça tombe bien qu'on est ici avec Sami. Nous avons déjà fait quelques grèves de la faim ensemble. On se connaît depuis la prison. Mais en même temps, on est d'accord sur l'inefficacité de cette moyen de lutte quand il y a d'autres moyens pour lutter. Pourtant, les dernières grèves de la faim... que les prisonniers kurdes, politiques kurdes, ont commencé à une particularité, c'est parce que ce sont des dizaines de milliers de prisonniers qui sont en train de en question. Donc c'était d'abord au début, c'était quelques centaines, exactement 680 prisonniers qui ont commencé la grève de la faim. Mais après, ça a commencé à s'élargir. Bon, il y a eu à la fin, c'était à peu près une dizaine de milliers qui ont commencé une grève de la faim. Mais ça vient de finir il y a 2 jours. Ça a duré 67 jours, qui n'est pas très long par rapport aux autres grèves de la faim qu'on a vues en Turquie, qui ont duré 2 fois, 3, même voire plus que ça. 60 jours, bah, avec la vie, ce n'est pas trop long chez nous. Bon, ouais, ça, ouais. Oui, 60 jours, c'est le seuil de risque. C'est pour ça que le gouvernement était un peu en alarme. Et aussi, les soutiens, ils étaient inquiets pour avoir des nouvelles. Mais comment ça s'est terminé? Bon, on avait dit, hein, est-ce que c'est une victoire ou une défaite? Ni l'un ni l'autre, moi, je peut-être trouve. Tu peux parler de pourquoi ils s'étaient mis en grève de la faim, pour un petit peu... Les revendications, en fait, les revendications, c'était pour... D'abord, les Kurdes n'ont pas les moyens de plaider au tribunal en leur langue maternelle. Donc c'est la première chose, c'était ça. Ils demandaient que le droit de parler, de pouvoir plaider en kurde au tribunal. Deuxièmement, c'était pour par rapport aux conditions d'Abdullah Öcalan, qu'il considère comme le leader du peuple kurde, qui est depuis 12 ans de isolé dans une prison, incarcéré dans une prison particulière sur une île, et qui n'a pas, ça fait presque 2 ans maintenant, qui n'a pas de visite ni aucune communication avec l'extérieur. Et donc, ils étaient particulièrement contre l'isolement de leur leader en prison. Et le gouvernement disait, voilà, bon, on accepte des grèves de la faim quand il s'agit des conditions d'incarcération des prisonniers politiques, mais pas pour des revendications politiques. Donc, on ne vous écoute pas, ce n'est pas légitime, et on ne va pas négocier sur vos revendications. Donc, au bout de 60, vers les 60 jours de grève, bon, il y a eu d'autres mouvement, c'est-à-dire il y a eu d'autres grévistes de la faim en dehors, et il y avait des préparations de protestations massives en dehors. Au dernier moment, il y a 2 jours, Abdullah Öcalan, qui a été visité par son frère, ça fait longtemps qu'il n'avait aucune visite. Donc il a passé le message pour arrêter les grèves de la faim. Et il a aussi précisé que quand il y a des centaines de milliers de gens qui peuvent mobiliser dehors et d'autres moyens de lutte qui sont dehors, ce n'était pas un bon moyen de lutte de faire des grèves de la faim en prison. Donc le message a été bien entendu par plusieurs porte-parole du mouvement kurde. Dès le lendemain, il y a eu des attaques de la guérilla dans un poste militaire au Kurdistan du Nord, ainsi qu'il y a des préparations de protestations massives en dehors. Donc, quand on dit que la grève de la faim est finie, ce n'est pas la fin de la lutte. C'est les moyens de lutte qui ont changé maintenant. Donc en fait, quand on entend qu'il y a eu des négociations et qu'il y avait eu notamment accord sur le fait qu'il y allait avoir l'une des premières revendications satisfaites, c'est-à-dire notamment le fait d'être accompagné d'un avocat qui puisse parler. Oui, il y a un projet de loi qui est passé à l'Assemblée nationale par rapport à ça. Donc le gouvernement était déjà et se préparait déjà à exécuter ceci parce que ce sont des droits qui sont en même temps imposés par l'Union européenne par rapport à l'intégration de la... Cette revendication, en réalité, elle n'avait pas tant que ça lieu d'être, sachant que le contexte oblige la Turquie maintenant à intégrer ce... Maintenant, l'accusation serait en turc et traduite par un interprète aux accusés kurdes, et les accusés peuvent plaider en leur langue matérielle. C'est déjà passé. Mais est-ce qu'on... Quand tu dis grève de la faim, je pense à toutes les luttes menées par des prisonniers politiques dans bon nombre de pays. La grève de la faim, c'est un moyen. Il n'y a pas toujours des gens dehors et qui peuvent réellement créer une pression. Enfin, c'est une question. Je n'ai pas été en prison. Je n'ai pas cette expérience. Tu as cette expérience. T'as mené une grève de la faim. Comment on peut penser que c'est pas un bon moyen, sachant qu'en même temps, c'est c'est pour discuter en fait. Quand tu dis c'est pas le bon moyen, c'est important quand tu es isolé et tu n'as pas d'autres moyens de lutte, voilà, bon, tu n'as rien à faire, c'est le dernier choix. Bah, tu arrêtes de manger, c'est bon. Moi, je sais qu'en prison, il y a d'autres moyens de lutte. Pour arriver jusqu'à la grève, il y a des barricades, il y a d'autres moyens de résistance, même quand tu es seul en cellule. Mais en général, la gauche turque est habituée à riposter avec des grèves de la faim qu'ils trouvent un moyen de lutte efficace. Mais... Surtout quand il s'agit du mouvement kurde, qui a à peu près plus de 3 millions d'électeurs, 36 députés à l'Assemblée nationale, une armée de guérillas qui monte à dizaines de milliers de militants, qui luttent depuis plus de 30 ans, et actuellement qui frappe assez fort sur des postes cibles militaires turcs, etc. Puis il y a des mobilisations sur la rue, quand ils font des manifs, ce sont des centaines de milliers. Istanbul, c'est 300 000. À Diyarbakir, c'est presque 1 million quand ils manifestent. Donc, quand il y a un mouvement pareil, et quand vous dites que, il y a maintenant les prisonniers politiques qui vont se mettre à faire des grèves de la faim, c'est un peu bizarre, comme s'il n'y avait pas autre moyen de lutte. Et c'est déjà ça que Abdullah Öcalan a signalé ceci. Mais qu'est-ce que vous faites, ceux qui sont dehors, qu'est-ce qu'ils font? S'il n'y a rien dehors, s'il ne reste que les prisonniers politiques pour montrer une résistance, ça peut être raisonnable, mais pas dans cette condition. Donc augmenter la résistance plutôt dehors. Et moi aussi, je pense ainsi. Quand on était avec Sami en prison, ce n'était pas les mêmes questions. Il n'y avait personne dehors. Même s'il y avait des morts dans les grèves de la faim, il n'y avait personne pour

Donc on parlait précisément justement des prisonniers kurdes en Turquie, donc avec une grève de la faim de 2 mois qui n'était pas. Donc voilà, c'était un petit peu le côté critique de savoir qu'il y a d'autres possibilités en dehors, qu'il faut donc lutter dehors justement. Et tout ça pourquoi, donc comment ça continue, comment on continue la lutte dehors justement, ou dedans encore, Orhan? Déjà il y a une mobilisation à peu près en permanence, bon, les Kurdes, et parce qu'il y a plusieurs aspects. D'abord il y a la guérilla qui est depuis les derniers temps augmente les attaques, surtout après les événements qui ont commencé en Syrie et où Bachar Assad a libéré la région kurde en Syrie, ce qui fait que les Kurdes de la région, ils ont proclamé leur autonomie. Ça veut dire que c'est 900 kilomètres avec la frontière turque sont contrôlés par les Kurdes en Syrie. Et ça fait quoi? Ça facilite les mouvements du guérilla et les attaques. Et en même temps, ça pose un obstacle à la Turquie pour l'intervention en Syrie, ce qui complique la situation. C'est pour ça que le gouvernement a été assez féroce contre ces grèves de la faim, parce qu'il était déjà embêté par les Kurdes dans plusieurs niveaux. Et en plus, avec les grèves de la faim, qui, si, à mon avis, ne sont pas très efficaces sur un gouvernement qui peut tuer des milliers de gens, des centaines, bombardés, des paysans bombardés par les avions, etc. Bon, ce n'est pas... Ils ne vont pas se plaindre parce qu'il y a des prisonniers politiques qui trouvent la mort à cause d'une grève de la faim. Donc, ça ne touchait pas le gouvernement. Mais ils savaient bien que s'il y a eu des morts dans ces grèves de la faim, ça pétait partout. Il y aura des milliers, des centaines de milliers de gens qui vont sortir sur la rue. Donc, la grève de la faim, ça peut être quand même un bon moyen. Mais ils n'ont pas besoin de ça, les Kurdes n'avaient pas besoin de... Non, mais je veux dire, c'est pas le bon moyen absolument à... Ce que je veux dire, c'est que ça a eu son effet tout de même de pression. Non, la grève de la faim, ça touche plutôt les gens qui sont plutôt inactifs politiquement. Ça touche au cœur des gens qui ne veulent pas que les gens se fassent mal, etc. C'est... Quand il y a des enfants, il y a un an, il y a eu 34 paysans, dont la plupart étaient des mineurs, ont été bombardés par les avions. Ils ont trouvé la mort comme ça. Bon, en plus, ce n'était que des passeurs, ce n'était même pas des militants du PKK, c'était plutôt des gens proches de l'État qui faisaient du trafic à la frontière, mais ils ont été bombardés par les avions. Et si les gens ne sont pas sensibles à ça, est-ce qu'ils vont être sensibles à la mort des prisonniers de guerre? Oui, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Il y a beaucoup d'écrivains, beaucoup de gens du côté turc qui sont beaucoup plus sensibles à des morts pendant les grèves de la faim que des morts qui sont causés par des avions, par l'armée, etc. Bon, ils s'en foutent, des gens s'en foutent, parce qu'il y a déjà des dizaines de morts depuis 30 ans au Kurdistan. Et ça ne touche pas les gens, mais quand il y a quelques dizaines de morts en grève de la faim, il y a dans des milieux intellectuels turcs, il y a des gens qui sont beaucoup plus sensibles à ça. Ils ne peuvent pas. Là, c'est pour ça que la grève de la faim se trouve être un moyen de... Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens. Pour sensibiliser un certain secteur de la population, oui, c'est efficace. Mais Moi, je ne trouve pas qu'ils ont besoin de mobiliser ce secteur. Non, de toute façon, c'est mieux de trouver d'autres moyens que se mettre en danger, évidemment. Mm-hmm. Samy, tu voulais dire quelque chose ? Ça, on a déjà expliqué, mais c'est ça, grève de la faim, c'est grand, très, très grande de défense. Il n'y a pas un autre choix. Parce que comme isolation d'un prisonnier, des fois, ne pas visiter des familles, ne pas l'être, ne pas défense des tribunaux, tout c'est interdit. Et qu'est-ce qu'on fait juste dernier moment qu'on utilise obligé faire des grèves de la faim. Grève de la faim, normalement, jusqu'à 30 jours. Après, c'est passé des grèves de la faim. 30 jours, ils sont grève de la mort. Mais ils sont utilisés différents noms. Parce que c'est grève de la faim et grève de la mort en autre chose. Parce que maintenant, c'est Kurdistan, beaucoup de camarades, des prisonniers, ils sont faire grève de la mourir jusqu'à bout. Mais ils ne sont pas choix qui est mort. C'est faire défense, son longue de matériel, de tribunal, avec dans la rue, tout s'interdit. Mais ils sont 21 millions de Kurdes dans Turquie. Pourquoi interdire son matériel, les langues ? C'est ça le problème. C'est très, très grave. Mais l'autre côté, langue, différentes langues sont interdites. Langue anglaise, langue française, langue allemande, etc., etc. Mais langue kurde, pourquoi interdit ? Ils sont habités. Ils sont beaucoup millions d'années, ce sont la terre et son choix. Comme vous bien regardez, comme Mexique du Sud de Chiapas, à peu près même lutte. Parce que l'autre côté avance, un peu marche, après un peu de marche arrière, de marche avant, qui a gagné beaucoup de choses. Bon, ben merci à vous. On va faire une petite pause musicale et on va continuer à parler. La question des luttes des peuples, des groupes, des collectifs qui luttent pour défendre leurs droits, leur culture, leur territoire, se défendre contre les projets. Et donc, on fait une petite pause musicale. J'espère que vous restez avec nous si vous voulez. Nous, on va donc continuer. Je remercie Greg pour la technique, FPP pour nous accueillir tous les troisièmes lundis du mois. Musique, on continue, on se retrouve encore, on est une petite heure ensemble encore. El día 14 de junio del año del 2006, en la plaza de Oaxaca, se puso el mundo al revés. Temprano por la mañana, al punto de amanecer, nadie hubiera imaginado lo que iba a suceder. La huelga del magisterio tenía la plaza tomada, mientras el pinche gobierno preparaba la cela. Antes que amanezca el día, sonó la alerta en la calle por donde entró el regimiento y atrás de la barricada se alborotó el campamento. Más tardaron en llegar que luego en salir corriendo porque la gente en la plaza ya se estaba defendiendo. Salieron. Que la paz será justa si es que quieren solución, que se vaya. se acabó el gas y el valor, con la plaza enardecida y las fuerzas del gobierno salieron en estampida. Topó con piedra el traidor que asalta de madrugada, porque hoy la gente en la calle ya lo espera en barricada. ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? 6.3 Fréquence Paris Pluriel, la jungle des luttes, programme mensuel du CSPCL, Comité de solidarité avec les peuples du Chiapas sans lutte. Aujourd'hui, on était avec Oran et Samy pour parler de la lutte des prisonniers politiques en Turquie, des prisonniers kurdes, et de la lutte des Kurdes qui continue. Et donc, on aura l'occasion peut-être d'en reparler. Vous étiez déjà venu il y a un peu plus d'un an. Et donc, on va essayer d'en reparler régulièrement. L'autre fois, on avait invité un collectif d'étudiants qui se mobilisait par rapport aux prisonniers politiques étudiants en Turquie. Donc, du coup, on essaye un petit peu de toujours garder un œil sur toutes ces luttes-là. Et donc, on te remercie d'être venu nous en parler. Merci à toi, Samy, aussi. On vous remercie pour nous donner la parole, plutôt, et pour ce que vous faites à la radio. C'est donc, bon courage et bonne continuation. Merci de ce soir. On a vous invité pour nous expliquer en Turquie des prisonnières, des camarades et des Kurdes, tous prisonnières. On partage avec le cœur pour vous. Merci à tous ceux qui écoutent aussi. Merci beaucoup. N'hésitez pas à venir pour quand vous avez quelque chose à dire sur des situations parfois qui peuvent nous échapper. Nous, on n'attend que ça. Et pour tous les auditeurs aussi, s'il y a des luttes, même toutes petites, n'hésitez pas à faire passer. FPP, c'est la radio où on peut faire passer des messages avec... Voilà, les luttes, il y a plusieurs créneaux de toute façon. Donc nous, c'est le troisième lundi du mois. Et on se retrouve bientôt, on fait un enchaînement avec toujours des luttes. Et donc là, on est en retour sur Paris, donc pas loin de nous. On y était hier justement, au 33 rue des Vignoles, dans le 20e, à Avron. Donc c'est un lieu chargé d'histoire. C'est pas seulement le lieu où on se réunit le mercredi, même si ça y prend tout son sens. Et justement, on a fait des petits enregistrements pour vous aujourd'hui, pour vous faire découvrir ce qu'est ce lieu, le lien de ce lieu avec le comité et l'idée de comment ce lieu peut continuer à se défendre. Donc on est avec... on est juste hier en fait. On a un petit décalage de 24 heures, mais il y a 24 heures, on était en plein. Donc on vous le fait partager. Oui, en fait, vous avez vu sur la fiche qui a été faite, en fait, on a mis un panneau qui dit « Vous êtes en territoire zapatiste et rebelle ». Alors, pour nous, la rue des Vignoles, c'est déjà un lieu rebelle depuis longtemps. C'est là où nous organisons nos luttes. Et c'est aussi un territoire zapatiste. Et c'est ce qu'on voulait vous dire aussi ce soir et raconter un peu cette histoire avec sa facette spécifique sur le soutien au Mexique rebelle depuis 1994 et ensuite son histoire et puis la lutte actuelle que nous menons à la CNT pour maintenir ce lieu. Cette soirée est organisée par le Comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Alors, juste pour vous parler de ce lieu dans cette histoire du Mexique rebelle, en 1994, quand il y a eu l'insurrection au Mexique, les premières manifestations qui se sont faites devant l'ambassade mexicaine, ben, c'était très peu de personnes, mais c'était des lieux, des militants qui venaient libertaires, qui faisaient partie de soit de la Fédération anarchiste, il y avait les gens de la CNT, il y avait aussi des jeunes étudiants mexicains en France et des mouvements pour les droits des peuples autochtones dans les Amériques et aussi des gens qui luttent, enfin, qui luttaient sur l'Argentine, le Chili, etc. Il y a eu au sein des vignoles dès janvier 1994 un éphémère comité de soutien à l'EZLN qui s'est monté avec justement des camarades informels qui ont organisé cette lutte au sein de ces locaux. Et en fait, en décembre 1994 et par la suite en février 1995, alors qu'il y avait une grosse offensive militaire pour essayer de détruire justement ce que les abattistes avaient réussi à avoir et à maintenir, et puis donc la construction de leurs autonomies, c'est avec des camarades du secrétariat international de la CNT, mais aussi d'autres camarades venant d'autres horizons qui étaient solidaires avec ce qui se passait au Chiapas, qu'un comité s'est constitué ici, donc rue des Vignoles. Ce comité, il continue à perdurer. Alors, donc depuis 95, sans discontinuité, tous les mercredis soirs, une marche en tant qu'une assemblée ouverte. C'est pas et c'est surtout un comité qui s'est créé pour à la fois faire le lien entre les luttes ici et là-bas. Donc ça veut dire que ce n'est pas un comité de soutien aux communautés zapatistes. C'est vraiment un comité de solidarité avec un échange direct. Alors, ce lieu, rue des Vignoles, il est connu. Il a pris de l'importance, alors notamment donc en 95, parce qu'il y avait cette offensive et donc cette mobilisation qu'il y a eu au niveau international. Et les Vignoles en ont fait partie, et bien partie, puisque ces locaux ont été déclarés ambassade du Mexique en rébellion. Donc, c'est-à-dire qu'à la fois des étudiants mexicains pro-zapatistes, enfin pro, et des gens nous ont demandé de que ce lieu devienne une ambassade sans ambassadeur, une ambassade pour faire justement les liens entre ceux qui luttent ici et là-bas. Et c'est pas que des mots, puisque le comité solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte ou la fédération des travailleurs de l'éducation de la CNT peuvent donner des accréditations pour aller dans les territoires zapatistes. Donc en tout cas ça perdure encore au jour d'aujourd'hui pour maintenir différents projets de solidarité. Et quelque chose qui a été encore plus émouvant en tout cas pour nous, c'était en juin 95 quand Amado Avendaño qui avait été nommé par les zapatistes en tant que gouverneur du Chiapas en rébellion. Ce gouverneur alternatif issu de la société rebelle qu'il y a toujours au Mexique, Amado Avendaño a fait une tournée en Europe, et un des premiers lieux où il est venu, c'était dans ces lieux, ici, au 33 rue des Vignoles, et il avait rencontré des gens du comité de solidarité, mais aussi les camarades de la CNT et des différents syndicats, et il avait été impressionné aussi de rencontrer et de pouvoir discuter un samedi après-midi avec des camarades de la CNT en exil, donc de ces réfugiés espagnols qui ont créé cette histoire, et on en reparlera tout à l'heure dans la construction de ce lieu. Et Amado Avendaño, et c'était pas que des mots, puisque ensuite il y a eu une lettre qui l'a officialisé, il a déclaré ce lieu Aguascalientes. Et Aguascalientes, c'était la forme d'organisation des zapatistes, donc c'est différent, ce qui est devenu au jour d'aujourd'hui les caracoles. Et donc il avait reconnu ce lieu en lutte et avec toute son histoire. Et cette histoire a perduré. Alors cette salle, le comité au jour d'aujourd'hui, c'est environ entre 10 et 20 personnes qui se réunissent en assemblée ouverte tous les mercredis. Mais en 96, quand il y a eu la préparation d'une réunion que les zapatistes avaient conviée pour rompre l'isolement, mais aussi pour construire autre chose, construire un autre monde, un autre futur. Ils avaient appelé à une rencontre intergalactique contre le néolibéralisme, Et en fait, dans cette salle, tous les mercredis soirs, c'était entre 50 et 100 personnes qui venaient s'informer, discuter, etc. Il y a eu des préparations justement de la rencontre européenne qui s'est passée ensuite à Berlin. Et puis c'était là aussi où les gens sont venus organiser cette grande délégation qui était partie donc au Chiapas pour voir la réalité et pour construire des ponts entre les différentes luttes. Et donc cette solidarité, grâce au travail des membres du comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte et le soutien de la CNT, puisque cette assemblée ouverte et cette salle, elle est prêtée par la CNT depuis lors, parce que pour nous c'est un enjeu de construire cette solidarité. On ne veut pas lâcher des luttes quand on est assez fidèle dans nos engagements, que ce soit les engagements qui ont été portés par nos anciens, donc ceux qui sont de la CNT en exil, mais de nos engagements au niveau syndicaux et internationalistes. Donc c'est pour cela que ce lieu reste un lieu où il y a eu différentes rencontres qui ont été faites à la fois avec tout ce qu'on appelle le Mexique rebelle au jour d'aujourd'hui, donc des jeunes des quartiers des quartiers rebelles de Mexico. Ça a été lors de des événements qu'il y a eu avec Oaxaca, avec Lapo et ensuite avec Vocal, des lieux de rencontre et d'échanges avec ses camarades qui ont réussi à faire bouger les choses, en tout cas dans leur état, et à montrer que l'autonomie et l'alternative au gouvernement est possible contre les ouvriers et puis tous ceux qui la société organisée, le mouvement social organisé peut construire des choses. Donc ils sont venus ici sur les bases de notre internationalisme aussi. La CNT avait organisé en 2007 une rencontre syndicale internationale qui était I07, et sur cette scène, il y avait une camarade d'Atenco, machette à la main. Donc on parle de la lutte qu'il y a au jour d'aujourd'hui à Notre-Dame-des-Landes. Ces camarades avaient réussi à Mexico, camarades paysans, à faire annuler un projet d'aéroport de la ville de Mexico. Et bien sûr, ces liens, ils continuent à perdurer. Et Martha, quand elle est revenue récemment donc en Europe, elle a été à Notre-Dame-des-Landes pour apporter le soutien aux camarades. Et donc, voilà. Et donc, au jour d'aujourd'hui, on est dans une campagne de défense de nos locaux, parce qu'on est en tractation avec la mairie que vous avez pu voir que tout le quartier, il y a spéculation immobilière, il y a gentrification, on essaie de nous expulser de nos territoires de lutte. Donc on revient sur la campagne territoire des apatistes. Et bien donc nous on continue au jour le jour à vouloir défendre ces locaux en tant que notre terre et territoire de lutte, et bien sûr pour que encore longtemps on entende les cris de Zapata vive la lucha sigue, que Zapata encore vivant, la lutte continue. Et donc voilà l'importance pour nous de maintenir ces locaux à la fois dans le Mexique rebelle mais dans la construction de la lutte sociale aussi en France. Emancipación, alza la bandera revolucionaria que lleva al pueblo a su emancipación. 106.3, fréquence Paris Pluriel, la jungle des luttes, programme mensuel du CSPCL. On continue donc toujours avec des barricades et des luttes. Vous l'avez entendu, solidarité avec tous ceux qui luttent, les prisonniers, donc ceux qui sont dedans, dehors. Et on est toujours donc sur le 33 rue des Vignoles où on vous invite le mercredi, tous les mercredis à 20h30 pour une assemblée ouverte avec le premier mercredi du mois. L'idée d'une petite auberge espagnole, chacun amène à boire et à manger. Et l'idée, c'est un peu de discuter de l'actualité, d'organiser des activités autour des apatistes et pas seulement. Et c'est aussi un peu pour ça que le programme de la jungle des luttes, c'est l'idée de pouvoir parcourir des luttes qu'on rencontre au fil de nos activités. Et donc hier, on était donc justement en train d'organiser une journée en solidarité avec le 33 rue des Vignoles qui nous accueille. On a entendu le pourquoi, du comment, du lien. Et j'en profite pour préciser que Atenco, les gens d'Atenco, et donc notamment Martha, étaient là présents. Mais les peuples d'Atenco ont également à Notre-Dame-des-Landes, à l'occasion du forum contre les grands projets inutiles et imposés, ont envoyé à Notre-Dame-des-Landes donc un message de solidarité, puisque comme on le disait dans le petit interview avant, il y avait justement une lutte contre un aéroport international victorieuse. Et donc cette lutte aujourd'hui toujours vaillante, solidaire avec Notre-Dame-des-Landes, que l'on essaiera d'avoir justement, je crois que ça va marcher, les connexions. Apparemment, c'est bon, il y aura quelqu'un qui pourra nous parler de la lutte de Notre-Dame-des-Landes. Apparemment, on en parle quand même pas mal en ce moment, mais c'est le moment ou jamais, ça dure déjà depuis tellement longtemps. Donc on continue avec les Vignoles, ça dure déjà depuis longtemps et justement, on va écouter un peu ce que c'est ce 33. Le projet d'aéroport, il n'a pas de raison d'être. Il y a un aéroport, il y a des gens... C'est pas ça, on s'est trompé de bouton. Parce que là, on était déjà à Notre-Dame-des-Landes. Mais c'est à cause de moi, j'ai parlé de Notre-Dame-des-Landes un peu trop vite parce qu'on était toujours sur le 33. Donc le 33 rue des Vignoles, local. Dans le local de... Le local. La CNT dans laquelle nous sommes est aujourd'hui menacée dans le cadre d'une négociation avec la mairie de Paris. Les travaux d'entretien et de rénovation impliquant de lourdes charges financières doivent être réalisés. Ce qui est en jeu aujourd'hui est le maintien à Paris d'un espace de lutte autogéré qui représente un lieu historique du mouvement ouvrier et incarne un projet syndical, social, culturel et internationaliste. C'est un lieu de la mémoire ouvrière. En effet, en 1970, des membres de la CNT espagnole en exil s'installent ici, au 33, et l'aménagent et lui donnent son aspect actuel. Qui sont-ils ? Ceux et celles qui, en juillet 1936, ont pris les armes pour combattre le franquisme, tout en réorganisant l'économie sur les bases de la gestion directe. Ici, des survivants du camp de Mauthausen, ici, des camarades qui ont participé à la libération de Paris, et ici, des résistants ont foulé le passage du 33 et ont participé à de nombreuses réunions dans cette salle ou dans la salle du fond. Ils incarnent également l'Association internationale des travailleurs, reconstituée en 1922 à Berlin, sur des bases syndicalistes révolutionnaires. Aujourd'hui encore, ils sont quelques-uns de ces anciens qui disposent toujours d'un local ici au 33 et éditent un bulletin de liaison qui s'appelle Zénith. Le 33, c'est aussi un acquis de la lutte ouvrière. Depuis le début des années 70, le 33 est un espace autogéré consacrer la lutte syndicale et sociale sur une base interprofessionnelle. Quelques exemples. meeting de solidarité avec les mineurs britanniques dans les années 70, réunion publique avec les organisations anticolonialistes de Guyane et de la Réunion dans les années 80. Ici aussi, on l'a vu dans le premier film, il a été évoqué la dictature argentine dans les années 76. Et bien ici, des exilés argentins, et quelques-uns sont un petit peu plus célèbres, puisqu'ils ont constitué ce groupe de tango, le Cuarteto Cedrón, sont venus à plusieurs reprises s'exprimer dans cette salle. Il y a eu également les premiers dissidents de l'Union soviétique au début également des années 80, dont Leonid Pliouch, qui est venu discuter ici avec des camarades espagnols et bulgares en exil. Il y a eu aussi également, pour rejoindre la période la plus récente, et ici qui concerne plus les luttes en France, les assemblées générales des nettoyeurs du métro en 88, le soutien aux expulsés de la place de la Réunion, qui est voisine, à quelques centaines de mètres d'ici, et les luttes contre le CIP en 93, l'accueil de la marche nationale des chômeurs, la grève générale de 95 contre la réforme des retraites et de la sécurité sociale, et la réalisation de la semaine de rencontre Un autre futur en mai 2000. Comme on le voit, le 33 est un lieu de résistance immergé dans les luttes sociales de ces 40 dernières années. Alors le 33, certains d'entre vous le savent puisqu'ils viennent souvent, c'est aussi un lieu culturel alternatif. C'est un lieu qui accueille des artistes qui inscrivent leur activité dans le cadre des luttes sociales et de la contre-culture. Alors quelques noms, quelques exemples, Paco Ibáñez, Sergio Girouillot, Bruno Daraki, Lola Lafon, en passant par Scalpel, La Cabine, les Ramoneurs de Menhir, Zep, HK et les Saltimbanques, etc. etc. Les concerts qui sont organisés au 33 sont des moments de solidarité concrète, ici et maintenant, pour un autre futur. Dans le même esprit, le 33 accueille aussi des écrivains comme Gérard Mordilla, des économistes comme Bernard Friot, des sociologues comme Alain Bir, des troupes de théâtre et le syndicat du bâtiment, donc le SUB, y anime aussi un ciné-club. Vous pouvez voir le programme dans la salle du fond pour ceux que ça intéresse. Donc ce qu'il est important de noter, c'est que le 33, c'est l'un des derniers lieux culturels alternatifs et autogérés qui existent à Paris. Comme on l'a dit tout à l'heure, le 33, c'est aussi un lieu internationaliste. C'est un espace qui est dédié à l'accueil des forums, d'échanges, de solidarité avec des organisations syndicales anticapitalistes du monde entier, comme la SAC en Suède, la CGT en Espagne, l'USI en Italie, mais aussi d'Amérique du Sud. On a parlé tout à l'heure de l'APO de Huarca, de l'EZLM, du Front des communes pour la défense de la terre d'Atenco, des organisations d'Afrique, comme l'Association de soutien au Sahraoui ou la CGT au Burkina Faso, des organisations d'Océanie, comme les IWW Nouvelle-Zélande ou l'USTKE, donc toutes ces organisations avec lesquelles la CNT entretient des relations internationales. Donc on a parlé tout à l'heure d'I07, ça a été un grand moment ici, c'est un autre exemple, où il y a eu plus de 200 délégués internationaux venus du monde entier qui se sont rencontrés. Et ce week-end encore, pas plus tard qu'hier et ce matin, il y avait encore les rencontres Red Black qui regroupent les organisations proches de la CNT en Europe. Donc soutenir le 33, c'est aussi soutenir un projet émancipateur. C'est un lieu historique, c'est un carrefour de la contre-culture, comme on vient de le voir. C'est un espace d'organisation et de combat pour les luttes sociales dans les entreprises, mais aussi en dehors. On peut citer comme exemple l'activité sur la question du logement, l'action antiraciste et antifasciste de la CNT, l'antisexisme et la lutte contre l'homophobie. Et c'est aussi un projet qui est construit pour l'avenir. Car la CNT entend bientôt développer dans les années qui viennent, si on en a la possibilité et qu'on reste ici, on l'espère bien, l'animation d'une librairie, c'est un exemple, toujours avec le souci d'enraciner une ouverture sur le quartier et d'agir selon des principes autogestionnaires conformes à notre éthique et à notre projet de transformation sociale. Donc, pour faire comme le CSPCM le fait très gentiment tous les mois, vous pouvez soutenir le 33, soutenir tout ce que ce lieu représente pour son passé, son présent et son avenir, pour que ce lieu qui est unique à Paris subsiste et évolue. Donc, on a besoin d'un soutien financier et il y a plusieurs modalités pour le faire. Vous pouvez adresser un chèque de soutien à l'ordre de la CNT avec au dos la petite mention souscription locaux. Ça peut être fait de manière régulière ou ponctuelle.

C'est une question de choix de société. Jeunes et vieux, solidaires, virés par les 106.3, fréquence Paris Pluriel, la jungle des luttes, programme mensuel du CSPCL, comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte, on continue. Et donc, comme vous l'avez compris, on va passer au territoire de Notre-Dame-des-Landes, donc menacé par la construction d'un aéroport international. Et donc, on vous invite à être attentif à toutes les luttes. Et donc, il y a aussi des luttes pour des territoires, des luttes pour des espaces. Et c'est le cas justement de Fréquence Paris Pluriel, la radio que vous écoutez et qui nous permet d'émettre et de vous laisser la parole. Et donc, on vous invite également à soutenir FPP en envoyant des dons, si vous le voulez bien, si vous le pouvez. C'est le 1 rue de la Solidarité. À Paris, l'arrondissement c'est le 19e et donc 75 019 Paris, 1 rue de la Solidarité, FPP, Fréquence Paris Pluriel. Donc voilà, des dons tout petits, plus grands, comme vous pouvez, avec plaisir, parce que la situation est un petit peu critique quand même, et ça vaudrait le coup de garder cet espace, des salariés qui nous filent des bons coups de main quand on en a besoin et qui sont sympathiques en plus. Et donc voilà, il y a l'ordre du chèque, hein, puisque c'est mieux qu'envoyer des billets par la poste évidemment. Donc en fait, le chèque, ce serait à l'ordre de Paris, Association Paris, P-A-R-I-S. Donc voilà, c'est un territoire aussi qu'on peut défendre à sa façon. Donc l'un des moyens des fois financiers, ça peut aider, en l'occurrence sur FPP, qui fête ses 20 ans justement. Donc voilà, on peut dire que c'est un cadeau d'anniversaire, si vous voulez faire un cadeau d'anniversaire en fait, on va dire. Voilà, donc on a Camille avec nous justement pour nous parler de Notre-Dame-des-Landes. Bonsoir Camille, tu m'entends ? Tout à fait, bonsoir à vous. Merci d'appeler. Ça tombe bien que notre émission soit aujourd'hui lundi 19, puisque l'actualité est un petit peu mouvementée du côté de Notre-Dame-des-Landes. Donc merci d'être là et de pouvoir nous en parler. Peut-être pas refaire un historique, on sait tous qu'il y a le projet de l'implantation d'un aéroport international, ce qui veut dire expulsion de personnes et destruction de terres agricoles et de tout un environnement, et surtout ce que ça veut dire par rapport à ce type de projet, la signification réelle. Donc peut-être par contre qu'on peut dire qu'il y a des gens qui luttent depuis un bout de temps et qui aujourd'hui sont là, notamment Camille au téléphone. Peut-être tu peux nous dire ce que tu ressens par rapport à cette situation là aujourd'hui, actuellement, avec les manifestations et les événements qu'on suivit. Les manifestations là, franchement, là, le week-end c'était mortel. Il y avait du coup, on va dire, allez, 40 000 personnes, bien que France Inter en annonçait 2 000, mais après voilà, la lutte là, c'est une lutte contre tous ces grands projets de société là, comme tu disais, ou l'aéroport en tant que tel. Bah voilà, nous on est là parce que c'est cet aéroport-là, mais ça va avec toutes les lignes anti-nucléaires, anti-train à grande vitesse, ligne THT, avec tout ce qui se passe en Europe, puis ça relie aussi avec ce qui se passe par chez vous au Mexique, tout ça. Et du coup, sur ce qui se passe chez nous, là le week-end a été grand, du monde dans tous les sens, la zone s'appelle la ZAD était recouverte de monde, de voitures, de tracteurs, des petites mains qui se baladaient dans tous les sens, qui s'activaient, c'était superbe à voir, quoi. Et après, sur l'historique de cette lutte-là, ça fait 30 ans, comme vous le disiez, qu'il y a des gens qui se battent tous les jours, que là, ça fait 5 ans que les premières baraques ont commencé à être ouvertes sur le site, qu'il y a des occupations, qu'il y a des gens qui font leur jardin, qui font des ateliers dans tous les sens, qu'il y a la vie qui reprend, qu'il y a des friches qui se font remettre en état pour faire des potagers immenses. Il y a des gens qui donnent de la vie à tous ces lieux-là qu'on veut faire mourir, quoi. Et donc là, par rapport à l'actualité, là aujourd'hui, sur l'activité de ce week-end, ça a réuni des gens de la zone, je suppose, c'est-à-dire des gens de la région et puis peut-être des gens d'autre part. Je sais qu'il y a des personnes de FPP qui étaient là, qui étaient déjà là au forum comme nous aussi d'ailleurs au forum contre les grands projets inutiles et imposés qui avait eu lieu au mois de d'août ou juillet, enfin août, non je dis, oui début juillet plutôt et donc où justement il y avait la découverte de ce lieu avec justement ces rencontres comme tu le disais contre le TGV ou Stuttgart 21, des associations, des groupes, des collectifs très actifs au niveau européen, et puis d'autres petites luttes aussi comme l'enfouissement des déchets toxiques à la Burne, etc. Donc c'était l'occasion de ces rencontres. Donc est-ce qu'il y avait toutes ces personnes qui ont pu revenir là, ou c'était vraiment des gens au niveau local qui s'étaient vraiment déplacés et mobilisés? Non, bah, y avait vraiment tout le monde, quoi. C'était, du coup, il y avait plein de gens qui étaient là par rapport à ces luttes, qui étaient là sur d'autres luttes auparavant, sur des luttes un peu partout qui se passent en Europe. Il y a eu les gens du coin qui sont venus parce que d'habitude ils n'ont pas le temps parce que faut bien rentrer de l'argent, donc on va travailler. Et puis c'est cool, ils étaient là ce week-end, ils envoient des chèques de temps en temps. Après il y avait les agriculteurs du coin, les agriculteurs un peu de toute la région. Il y avait, je sais pas, 220 tracteurs peut-être qui se sont ramenés avec du matériel à fond, du bois pour construire des cabanes, des vis, des structures déjà faites, de la bouffe, des matelas, des couettes, tout ce qu'on avait besoin. Et après, du coup, il y avait tous les habitants de la ZAD qui sont là depuis plusieurs années. Et donc, est-ce que tu peux dire que tu as l'impression que ça peut prendre un nouveau départ, cette lutte, avec peut-être un rapprochement, avec une nouvelle dynamique, avec ou le fait que, justement, au gouvernement, ils ont pas l'air de vouloir céder. En même temps, il y a une forte mobilisation. Comment tu vois ça de ta fenêtre, sachant que peut-être que tout le monde pense pas comme toi, je sais pas. Après, les avis, c'est ça, il y en a plein. Voilà. Il y a plein de gens différents qui se battent sur cet aéroport, quoi. Il y a les habitants de la ZAD, là, comme on le disait, qui ont une vision vachement plus globale, qui va au-delà de cet aéroport, mais de notre mode de vie, là, de tous les jours. Après, il y a les agriculteurs qui se battent pour leurs terres, et qui sont aussi dans ce truc un peu de changer dans ce monde dans lequel on vit. Après, il y a des assos. C'est notamment la CIPA, là, et puis après, il y en a plein, là, qui commencent à se rajouter au fur et à mesure où ça prend de l'ampleur. Merci les Verts, d'ailleurs. Hein, la réappropriation. Et qui sont là juste, voilà, parce que médiatiquement, on joue des coups, parce qu'on veut pas d'un aéroport, parce que quand même. Mais, et du coup, est-ce que ça prend un nouveau départ grâce à ça? Je sais pas. En vrai, je crois que les gens sur le terrain, on n'attendait pas forcément autant de monde. On a été un peu surpris, dans le bon sens du terme. Après c'est la lutte, là, ça fait 5 ans qu'elle est menée de front par ces gens-là. Au quotidien. Et que c'est un petit bol d'air, là, de voir tout ce monde qui se rajoute, de voir qu'on en parle de plus en plus nationalement et tout. Et en même temps, c'est que le début de cette lutte, en fait. Enfin, là, on rentre dedans, quoi. Ça, on commence à en parler, on commence à rameuter du monde, mais ça va durer, parce que les gens qui sont sur place, ils lâcheront rien, quoi. Et alors, est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez annoncer, vous, par la suite, des projets, des mobilisations? Est-ce que vous avez des choses à nous proposer? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on conseille aux gens? Qu'est-ce qu'on dit aux gens pour pouvoir s'impliquer dans cette lutte, sachant qu'il y a d'autres luttes, mais qu'on n'est pas forcément sur place, mais il y a parfois des choses à faire? Pas forcément sur place. Bah, du coup, c'est quand les gens ils ont une semaine devant eux, de venir vivre les choses avec nous sur place, parce que c'est là qu'on se rencontre le mieux et qu'on partage le mieux les choses. Après, c'est appel à tout le monde à aller faire des actions à droite, à gauche, de créer des rassemblements à droite, à gauche, dans les villes, où que tu sois, dans la campagne, que le message il se propage, que action et sabotage, quoi. Et est-ce que l'autre, on a pas cet été, on a en fait consacré l'été à Notre-Dame-des-Landes dans notre programme de la jungle des luttes, que je le rappelle, c'est tous les troisièmes lundis du mois en direct et retransmis le jeudi matin. Donc si on veut réécouter ce programme, c'est jeudi matin à 8h, si je ne me trompe pas. Et c'est accessible également, il me semble, hein, sur internet. fpp.fr peut-être bien, non, hein? Mais bon, en tous les cas, vous pouvez réécouter l'émission. Et on avait parlé au mois de juillet, justement, du forum qui avait été organisé. Et au mois d'août, retransmis un interview qui avait été fait avec les personnes qui occupent Notre-Dame-des-Landes. Donc, on est content de pouvoir essayer d'être un peu au plus près de l'actualité, d'essayer d'être le plus solidaire possible. Donc, diffuser, c'est important. Sur FPP, apparemment, il y a aussi plusieurs programmes consacrés. Donc, je pense que c'est important de diffuser, de regarder, parce qu'il y a effectivement un moment important, un tournant, sachant aussi que le gouvernement a l'air vraiment de ne pas céder. Donc, l'important, c'est de se mobiliser aussi. Et donc, comme tu nous le proposes, de vous visiter alors. Bah oui, invitation à tout le monde à venir. Nous, quand on est content, c'est qu'on voit les gens en direct. C'est pour ça que après, voilà, non, je repense à des médias là qui se sont fait dégager tout le week-end et qui nous disent que on n'arrive pas à faire participer les gens extérieurs à cette lutte, à les inviter à venir et tout. Et ouais, parce qu'on passera pas par leurs médias à eux, quoi. Du coup, il y a des assos autour de l'aéroport qui le font et c'est très bien. Nous, sur la zone, on le fera pas, quoi, parce que. Et tu vas pas ouvrir un guichet, office de tourisme. Ouais. Enfin. Et d'ailleurs, là-dessus, bah, s'il y a des gens qui veulent des infos, il y a un site internet, c'est zad.nadir.org. Et Nadir, c'est N-A-D-I-R. Et du coup, voilà, là, il y a toutes les infos sur la ZAD, ce qui se passe en direct, tous les événements qui sont projetés, tout ça. Et maintenant, il y a la radio de la ZAD qui est en ligne sur le site internet. Nous aussi, on fait notre petite radio. Donc, bah, peut-être tu peux en parler après, si tu veux, pour que les gens puissent vraiment écouter. Ils trouvent comment ? Et bah, du coup, sur le site internet, lazad.nadir.org, du coup, quand tu arrives dessus, il y a marqué Radio Klaxon. C'est le nom de la radio. Et bah, tu cliques dessus et puis hop, la musique, elle arrive. Donc, c'est en général, c'est de 8h du matin à 8h du soir. Et sinon, ça capte sur la bande FM, c'est le 107.7, parce que du coup, on pirate les ondes de Vinci. Mais on n'arrive pas encore à émettre partout. Du coup, on émet surtout hyper localement dans les 15 km autour de chez nous. Quoi. Voilà. Toute initiative est bonne pour effectivement faire connaître, diffuser et que les gens se rendent compte que finalement, toutes ces luttes, elles ont qu'à gagner à être solidaires les unes des autres et à se connaître et se rencontrer aussi. Mais se connaître aussi déjà. Donc, c'est vrai que la radio, c'est un bon moyen. Donc, bah, merci beaucoup, Camille. Donc, on invite les gens à écouter 107.7 sur la bande FM dans la région, je suppose, hein, puisque sur notre région, nous, ça ne marche pas. Donc, c'est Notre-Dame-des-Landes, bien sûr. Vous aurez compris qu'on était autour de la lutte contre cet aéroport international. Donc, l'idée, c'est effectivement de bien se dire que ce n'est pas l'aéroport en tant que tel seulement. C'est tout ce qu'il y a derrière. C'est pourquoi cet aéroport ici, pourquoi absolument il y en a déjà un autre et pourquoi... construire toujours plus et Vinci toujours et encore les gros monopoles. Donc voilà, qu'on lutte contre ces grands projets. Merci aux gens de Notre-Dame-des-Landes voilà, d'être là, vaillants et de solidarité. À très bientôt. Eh ben, merci à vous de relayer ces informations et toutes les luttes que vous relayez parce que c'est important tout ça. Ben, merci, gracias. Buenas. Chaito. Donc on fait une petite pause musicale avant de se quitter, de vous rappeler qu'il y a quelques petits points d'info. Les casquets, les fusils lance-grenades et les grands boucliers, tout ça pour nous forcer quand nous n'avions pour nous que nos poings le bon droit et puis quelques cailloux. D'abord on s'avançait en frappant dans les mains, il y en avait parmi eux des vraies têtes de gamins. Les regards s'affrontaient face à face de tout près, eux devaient la boucler, nous pas et on chantait. Allez les gars, combien on vous paye, combien on vous paye pour faire ça? Allez les gars, combien on vous paye? Combien ça vaut, quel est le prix de te faire détester ainsi par tous ces gens que tu connais pas, qui sans ça n'aurait rien. raconte-toi, tu sais, nous on n'est pas méchants. On ne grenade pas les enfants, on nous attaque, on se défend. Désolé si c'est toi qui prends. Oh, allez les gars, combien on vous paye, combien on vous paye pour faire ça? Allez les gars, combien on vous paye, combien on vous paye pour faire ça? Pense à ce pour qui tu travailles, qu'on voit jamais dans la bataille. Pendant que tu encaisses des cailloux, enfin je les ramasse les sous. Avoue franchement, c'est quand même pas la vie que t'avais rêvé pour toi. Cogner des gens pour faire tes heures, t'aurais mieux fait de rester chômeur. Oh allez les gars, combien on paye, combien on paye pour faire ça? Allez les gars, combien on paye, combien on paye pour faire ça? Je ne me fais guère d'illusions sur la portée de cette chanson. Je sais que tu vas pas hésiter, dans deux minutes à me castagner. Je sais que tu vas pas hésiter, t'es bien dressé, baratiné. Mais au moins j'aurais essayé, avant les postes de te causer. Oh allez les gars, combien on vous paye, combien on vous paye pour faire ça? Allez les gars, combien on vous paye, combien on vous paye pour faire ça? Fréquence Paris Pluriel 106.3, la jungle des luttes. Encore juste quelques minutes, le temps de vous annoncer donc que vous pouvez nous retrouver le CSPCL, Comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Donc tous les mercredis à 20h30 au 33 rue des Vignoles. Donc lieu à défendre, et qu'aujourd'hui vous nous écoutez sur FPP, que ouais aussi il faut être solidaire. Et donc également donc merci à Greg pour la technique et surtout à tous de nous avoir écoutés. Rendez-vous le 8. Et ouais, là je vous décale. Je vous invite au CICP pour un marché solidaire le 8 décembre. Donc c'est dans l'après-midi. Vous pouvez venir y acheter des produits artisanaux de toutes sortes et donc par là rencontrer un certain nombre de collectifs solidaires avec des peuples en lutte. Donc, ben, merci de nous écouter et d'être là le 8 décembre. Vous pouvez également consulter le site du CSPCL pour avoir des infos si vous ne pouvez pas venir nous voir le mercredi soir, parce que ce n'est pas tous les jours facile de se déplacer tous les mercredis. Il y a par contre le site CSPCL. www.ouvaton.org et donc aussi le 8 mai, vous pouvez nous rencontrer, même si c'est une journée plutôt dédiée à une vente d'artisanat. Il y a la possibilité de rencontrer les gens du comité et d'avoir de l'information sur ce qui se passe dans les communautés zapatistes, actuellement réprimées comme depuis toujours, puisqu'il y a toujours une politique contre-insurrectionnelle sur les communautés. Mais donc toujours et encore plus vivement, même si elles, de leur côté, elles résistent toujours plus vivement également. Et donc continuent à mener leurs projets d'autonomie, notamment en termes de santé, d'éducation et de production. Donc du coup, on vous invite à venir le 8 mai pour soutenir tous ces projets. Donc non, c'est, on y va. Ah bah non, parce que je vous dis au revoir quand même d'abord. Donc au revoir, à très bientôt. Et voilà ce petit morceau qui, vous l'aurez compris, est l'hymne zapatiste qu'on aime bien vous passer en fin de programme. À la, au mois prochain. Vamos, vamos, vamos a ver.